c'est fou la roulade. 89-1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On reçoit Simon Fitzbé avec sa chronique Phénomène. Et on parle de politique avec François Landry et Logocratie 101. Assemblage requis, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce jeudi 10 février. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Bon matin, Mathieu. Ben, bon matin à toi, François. Ça va bien? Ça va très bien, ça va mieux qu'hier, je te dirais. T'es élégant à voir en ce moment. Ah, t'es trop fin. Ben, j'ai récupéré de mon rhume dont on parlait hier, hein, c'est ce que tu veux dire, j'imagine. Plus de sueur dans le front et puis au lieu d'avoir un café dans ma tasse à café, c'est du nez au citron. Exactement. Donc, je fais tout ce que je peux pour être là avec vous en ce jeudi matin. Mais ça va bien. T'as de l'air pétillant de bonheur. Merci. Ce matin. Le public aurait peut-être été heureux d'avoir toi à l'animation à la place de moi ce matin, mais too bad. Désolé. Plan d'aujourd'hui à l'émission Assemblage requis. On a deux chroniqueurs comme tous les jeudis. On a François Landry, Simon Fitzbé. Simon Fitzbé avec le Simon Fitzbé habituel. Oui. Donc aujourd'hui, en fait, pendant Assemblage requis, il va nous parler de sa chronique Phénomène. Oui, c'est la suite de la série sur les Rolling Stones. Tout à fait, tout le mois de février. Et voilà. Ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, on a François Landry et sa chronique politique Logocratie 101. Aujourd'hui, son sujet, c'est la rentrée à Québec. Total fail, loser. Est-ce que le L est du bon bord dans ça? Oh oui, ouais, moi bon? Je comprends. Est-ce que tu vois un L avec ça? Ouais, exact. Moi, je vois un J. J, ça veut rien dire. Voilà donc pour les deux chroniqueurs qu'on a. On va aussi avoir une chronique, c'est un fait, d'ici la fin de l'émission. Et puis je m'aventure peut-être... En fait, va falloir qu'on le fasse parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On va se taper un poste d'écoute. Oh! Faut qu'on fasse ça, là. Merveilleux. Faut qu'on fasse ça. Donc, c'est le plan de l'émission d'aujourd'hui. On commence l'émission avec Yes and Her. Voici... ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, elle aussi. Oui, tout à fait. Voici Mondo Green au 89.1 FM. C'est fou.

c'est la fête. Février des heures bêtes, février débarrasse. Mais dans ce sac glace, Timo, dis-moi qu'en finit pas. Je t'aime au fond quand t'es plus là. En attendant du blanc comme l'an d'avant, avant, après, pendant, beau pays malfaisant, je t'aime. Mais plus maintenant. Vincent Vallière, avec la pièce Février. Ouais. Mais quelle bonne pièce. Excellente pièce, très à propos en ce moment. Oui, exactement. Et voilà. On a un mot pour la faire jouer, donc. À chaque jour, jusqu'au 28. Hein? Je sais pas si c'est à ça. À chaque jour. En tout cas, si c'est à ça à chaque jour, à date, on est pas mal fail, nous aussi. Hein? Ouais. Pas juste comme la rentrée politique parlementaire à Québec. Non, non, non. Et qui sont supposés, d'ailleurs, M. Charest, qui va sûrement faire une annonce aujourd'hui du Colisée. Donc, je sais pas. Et puis, là, TVA était fort inquiet parce que M. Pelladeau n'était pas présent. Ouais. Donc, je sais pas. C'est bizarre, ça. On verra, on verra. Ouais, exactement. Ouais. Maintenant, François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Dans l'assemblage requis, c'est le moment du segment récurrent. Récurrent une fois par mois, à peu près. Une fois par session. Par session. Donc, voici le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Bienvenue dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis où on vous présente une fois de temps en temps comme ça un artiste qu'on m'a conseillé, qu'on m'a dit que j'allais sûrement aimer, qu'on allait aimer, toi et moi, François. Ça se pourrait, on sait ça pas. Se pourrait, peut-être. On va rendre notre verdict si on aime ça, si ça va entrer dans la... On appelle ça, on dit rotation, c'est pas de rotation comme dans les radios commerciales. C'est, on va commencer, nous, à jouer ça une fois de temps en temps en plus. T'sais. Rotation, ce serait si ça jouait à chaque heure pendant plusieurs mois jusqu'à temps que le prochain single de Rihanna sorte. Genre, exemple comme ça. Donc, on a reçu l'album de Jen Grant qui s'appelle Honeymoon Punch. Ça a l'air très bon. On dit que c'est entre Somewhere Over the Rainbow et In Rainbows de Radiohead. Oh! On va voir si c'est vrai. Entendons la pièce Oh My Heart qui ouvre l'album. Et après ça, une autre pièce dans l'assemblage requis. You look like a movie star from this angle. Ooh, tell me I've got my bangles on. And I can dance and dance while the band plays on. Oh, you took me by surprise. White coating arms and sweet lullabies. Like a movie star from this angle. Ooh, tell me I've got my bangles on. And I can dance and dance till the band is gone. Oh, you took me by surprise. We made the grass and later the wild. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, Are you headed for the highway, headed for the show? Baby, how I met you, how was I supposed to know? Supposed to know. I'll be on time for you. up and hit a nerve, I walked up and hit a nerve, I walked up and hit a nerve, I walked up and hit a nerve, I walked up and hit a nerve, I walked up and hit a nerve, I walked up and hit a nerve, I walked up and hit a nerve. Trois pièces de l'album Honeymoon Punch de Jen Grant. On a entendu au début Hold My Heart, ensuite How I Met You, et là, ça c'était Baby's Been Away. Trois très bonnes pièces, je trouve. Est-ce que t'as aimé ça, toi, Jen Grant? Oui, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que ça ressemblait un peu à Métrique. Oui. Non, c'est vraiment bon. C'est rafraîchissant, comme ils disent. Oui. Ça passe le test. Et voilà, Jen Grant, donc artiste qui se dit folk indie pop de Halifax en Nouvelle-Écosse. Vous pouvez aller voir jengrant.com, jenngrant.com ou encore myspace.com/jengrant1, le chiffre 1. Il y a d'ailleurs là-dessus un petit vidéoclip qu'ils ont tourné dans la rue pour la pièce Getcha Good. Donc allez voir ça sur Internet. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Et évidemment, il faut parler aussi d'un spectacle qu'il va y avoir à Montréal. De la part de Jen Grant, c'est au Divan Orange le 24 février. Donc, 24 février, Divan Orange, Montréal. Jen Grant et ses collègues Sean McGillivray, Kinley Dowling, Dave Christensen et Michael Bellia. Voilà pour Jen Grant. L'album s'appelle Honeymoon Punch. Nous, on prend une petite pause et on revient juste après avec plus d'assemblage requis. Qu'est-ce que t'en penses? Ça sonne bien. Beaucoup plus, je dirais environ un bon 90 minutes de plus. Sans arrêt? Sans on arrêt. Juste parler? Ah oui. Ben, tu sais, quand je commence, hein? T'es plus arrêtable. Parler, éternuer et me moucher en ondes. Si je prends pas de pause entre. Tout ça en même temps. Ça va être ça. C'est fou. Vous êtes toujours Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées au 89.1 FM, présentée par le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale. Tabarouette, hein? C'est bien fait. Ben oui, c'est dit à la main comme ça. C'est, dit à la main. Dit à la main. J'aime ça comme expression. Non, je veux dire à la main. Hey, du hot-a-tit, ça te tente? Hein? Du hot tatite. Ben oui, certainement. Une pièce de tatite. Après ça, on revient, puis ça va être... c'est un fait. Yeah! Yeah! Bon, ben... shame on me, hein. De pas avoir mis l'intro pour revenir de la pub. Shame on me. Shame on you. C'est le nom de la chanson. Back to the start, and the way I made my mistake. Entendez, et Shame on You de leur album Elevator à Assemblage Requis. C'était bon, ça aussi. Ben oui. Bon. C'est tout le temps bon. Précisons-le. Ben oui. C'est bon. Pourquoi s'empêcher de le dire? Rien. Exactement. Là. C'est quoi, là, cette affaire-là? Quand on s'empêche pas de dire que les affaires sont mauvaises dans la vie, hein? C'est ça. Non, souvent, on gêne pas. Comme là, mettons, tu sais, on va faire une chronique poche, le genre de ma. Mais non. Arrête non. Donc, Mathieu. Ah! Mmh. C'est vrai ce que tu dis? Ce que je viens de dire? Non, mais ce que tu vas dire? Dans la chronique? C'est vérifiable. Quelle chronique? Véritable. C'est un fait. Ah! Oui, tu l'as dit, François, véridique, véritable et vérifiable, ce sont les trois mots qu'on associe le plus souvent à la chronique. C'est un fait. Je pourrais en trouver une dizaine d'autres, mais ce n'est pas positif. OK, donc, premier fait de la journée. Savais-tu que le plus grand igloo du monde mesurait 27 pieds, 2 pouces, par 17 pieds, 4 pouces? Une chance qu'il y ait les décimales. Et voilà, une chance. C'est vraiment important. De la précision là-dedans. Cet igloo-là s'appelle le Bigloo. Bigloo. Bigloo, quand même. C'est digne de Mathieu Plante, ça, Bigloo. Hein? C'était construit en février 2010 à Bellevue, au Wisconsin. C'est un résident de cette ville, Paul Stewart et ses amis. On les appelle la Glue Crew, l'équipe d'Igloo. Hein? Donc, après une grosse tempête de neige, le trio a décidé de calculer, de sortir leur calculatrice mathématique là, et leur capacité architecturale pour construire cet igloo. Ils ont utilisé toute la neige de la cour arrière de Paul et de plusieurs de ses voisins. Ils ont mélangé ça avec de l'eau. Ils ont mis ça dans une comment t'appelles ça, une chose souffleuse. Pour envoyer de la neige. Une souffleuse, exactement. Pour ensuite envoyer ça dans des moules en forme de briques. Donc, ils ont vraiment mis ça très, très serré. Hein? Et puis, ils ont fait leur grand igloo. Vous pouvez voir des photos dans l'article sur assemblagerequis.com. Le Bigloo a le record du monde pour le plus grand igloo, selon, évidemment, le Guinness World Records. Les Guinness World Records. C'est très cool. Le crime, c'est énorme, hein? C'est Bigloo. Ah oui. Tu connais MC Hammer? Mais qui ne connaît pas MC Hammer? Summertime. Son surnom a été donné par la légende du baseball Reggie Jackson. Au milieu des années 70, Hammer, qui avait 13 ans à l'époque, on le connaissait sous son vrai nom, Stanley Burrell. Hein? Il était assistant dans un clubhouse et il était bat boy pour le slugger des Oakland. Des Oakland, exactement, l'équipe d'Oakland. Les Aces d'Oakland. Wow, que tu connais ton affaire. Reggie Jackson trouvait qu'il ressemblait à Hank the Hammer Aaron, donc il a appelé le bat boy Little Hammer. Hein? Le surnom est resté avec lui pour le reste de sa vie. Et Burrell a ensuite ajouté Burrell, c'est le gars. Les lettres MC, ça veut dire quoi, MC? Master of Ceremony. Exactement, le maître des cérémonies, toi. Les affaires, les rappeurs se servent souvent de ça, là. MC Showsbin, là. Ah, il y en a plein. On pourrait tous les nommer. On pourrait tous les nommer. Mais ce serait vraiment long. Un homme de 92 ans, légalement aveugle, a fait un trou d'un coup. Légalement aveugle, donc il est considéré aveugle légalement, okay, sous le sens de la loi. Donc, Leo Fialco de Clearwater, en Floride, avait un handicap 7. On dit ça comme ça, un handicap 7? Un 7? Ouais, au golf, ouais, mais ça, je comprends pas trop. Par exemple, le handicap, là, ça se mesure, ça. Je sais pas trop comment ça se mesure. Par le talent? Écoute, sincèrement, j'en ai aucune idée. OK, bon, ben, c'est parfait. Mais ça se dit, handicap 7. Ça se dit. Bon, handicap 7, parfait, merveilleux. Donc, maintenant, sa dégénération maculaire dans son. Ça a laissé que sa vision périphérique de son œil droit qui fonctionne. Donc, le reste ne fonctionne pas. Il ne reste que la vision périphérique. Le 10 janvier 2008, Fialco a fait son premier ace. Comment t'appelles ça, un ace au golf? Un birdie où ça a tout rapport avec les oiseaux. Hein? D'accord. Ben, un eagle. D'accord. Donc, il était au Cove Cay Country Club. Mais il a fait son premier ski. Parce que c'est écrit dans l'article un ace, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, peu importe. Il a fait ça sans même le voir. C'était pendant le cinquième trou. Et puis, il a fait ça avec un fer 5, c'est ça? À une distance de 110 verges. Voilà, un trou d'un coup, là. Il appelle ça un ace, apparemment, non? Ça se peut-tu? Ben, peut-être. Non, c'est quoi les autres birdies? C'est quoi? Ben, je sais pas, en français, trou d'un coup, c'est trou d'un coup. Trou d'un coup. Trou d'un coup. Trou d'un coup. Trou d'un coup. On demandera, mais bon... Ben, je comprends pas. Je comprends. Ben, écoute, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des activités, mais j'ai de la misère à saisir qu'un homme légalement aveugle joue au golf, ouais, parce que sans diverge, m'excuse, mais tu dois pas voir le trou. Absolument pas, même avec une vision périphérique, là, même si tu regardes juste par le coin de ton œil droit, là. C'est bizarre, non. Hein. Mais c'est ça. Peut-être que le gars a beaucoup de talent en golf. Peut-être qu'il connaissait exactement le Cove Cay Country Club. Peut-être. Peut-être qu'il a beaucoup de chance aussi. Peut-être aussi, je sais pas. On sait pas du tout. Une autre, ben, là, on a parlé d'une personne qui était légalement aveugle. Maintenant, une autre personne, mais légalement, cette fois-ci, sans genre ou sexe. OK? Oh. Donc, c'est une personne qui a été reconnue légalement comme étant genderless, donc sans sexe, sans masculin, féminin. C'est Nori May Welby qui a été reconnue comme ça légalement, sexless, par le New South Wales Registrar of Births, Deaths and Marriages, donc le registraire des naissances, des morts et des mariages. C'est quand même descriptif, pas mal comme place. Hein? Tu te demandes pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie. La personne de 48 ans donc, est née un homme, mais a eu une opération de changement de sexe en 1990. Nori s'identifie elle-même comme étant ni... Ben, elle ou lui, parce que là, vraiment, on peut le dire dans ce cas-ci. Elle ou lui. Quand ou... on entend elle ou lui, c'est parce que la personne veut pas appeler la personne par le sexe qu'elle a choisi d'être. Parce que quand une personne change de sexe, tu l'appelles par le sexe qu'elle choisit d'être. Tu dis, bon, elle ou lui, mais là, les gens disent pour niaiser elle ou lui ou la chose. Là. Dans ce cas-ci, c'est vraiment elle ou lui, parce qu'il n'y a pas de sexe. Bon. Donc, Nori s'identifie comme étant sans sexe, comme je le disais, et les officiels australiens, les officiers ou peu importe, ont changé son certificat de naissance pour refléter ça. May Welby a admis qu'elle était très heureuse, qu'il était très heureux, que l'État de New South Wales soit capable de comprendre, dans le fond, sa situation et d'agir en adulte avec elle. Par contre, après avoir reçu de l'attention médiatique pour cette première, en fond, qui n'est jamais arrivée avant, le New South Wales a renversé sa décision et a dit que le certificat de naissance changé était invalide, donc c'est revenu à l'ancienne appellation masculine. Mais j'espère. Tu peux pas inscrire elle ou lui, mettons, là, sur un certificat. Mais ouais. Excuse, hein, tu dois uriner d'une façon. Là. Je sais. Ben, en tout cas, c'est ça. Voilà. Allons-y avec d'autres petits faits rapides dans ce cas-ci. Tu connais Michael J. Fox? Je te demande tout le temps des questions super évidentes, je sais. Michael J. Fox, son deuxième nom, tu penses que c'est quoi, tu sais, le J, le J? Jonathan? Jonathan, OK, une autre chance. Justin? Non, c'est Andrew. Michael Andrew Fox et l'initiale est J. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que Michael A. Fox, c'était pas aussi beau? Je sais pas. Et voilà. Jeff Goldblum, parlant de Michael J. Fox, Jeff Goldblum a déjà été considéré pour le rôle de Doc Brown dans Back to the Future. Ah, ben le lien étant que c'est pas ça. C'est de retour vers le futur. SeaWorld, tu connais SeaWorld? Oui. C'est la place avec les dauphins et tout ça. Au début, ça a commencé, c'était un plan par 4 personnes de la UCLA. Il y a la UCLA qui est bien évidemment la University of Canada. Et en tout cas, l'université, là, tu sais, la place. Donc, 4 personnes de la UCLA pour ouvrir un restaurant avec comme thème l'océan. Donc, c'était un restaurant avec, on voyait des poissons, tu sais, genre, le thème, c'était l'océan autour. Mais, tu sais, c'était pas une place comme SeaWorld. Voilà. C'est bien que même sur le site de UCLA, c'est University of California, quelque chose d'autre, là. Mais les autres lettres, je sais pas. Bon. L'Estonie, tu connais l'Estonie? L'Estonie. Le pays, là. Ben oui. Voilà. A passé tout son budget de tourisme, son budget touristique en 2002 pour accueillir la compétition de chant Eurovision. Tu connais Eurovision? C'est comme le genre de Star Academy à l'échelle mondiale. Non. Où tous les pays envoient des candidats, et puis tout le monde chante, puis la la la la la la. Et puis il y a un gagnant à la fin. La la la. Le chant, tu connais le chant? La la la la. La la la. C'est un gros budget, je m'imagine. Donc, c'est ça, ils ont tous dépensé leur budget pour accueillir, exemple, Star Academy. Genre. Okay. C'est beau, hein? C'est... Et la population devait être très, très, très heureuse. Mais okay. L'homme le plus vieux de Tokyo, qui avait supposément 111 ans, était mort depuis 30 ans, en fait. Hein? C'est vrai, l'homme le plus vieux de Tokyo. Donc, Sōgun Katō, qui est né le 22 juillet 1899, était supposé être l'homme le plus vieux de Tokyo, au moins selon les dossiers publics. Les officiels de Adachi Ward à Tokyo ont été renvoyés ou refusés par les membres de sa famille quand ils sont venus le féliciter pour son 111e anniversaire. Donc, les gens arrivent, toc, toc, toc, « Bonjour, tu peux dire bonne fête parce qu'il y a 100 ans, 111 ans. » La famille fait « Non, non, non, non, non, go away. » Mais en japonais, j'imagine. Donc, ça a amené une enquête policière qui, ultimement, d'accord, a découvert les restants momifiés de Katō. Donc, M. Katō s'était enfermé lui-même dans sa propre chambre il y a plus de 30 ans, disant qu'il était devenu un Bouddha vivant. Présumément, voilà. Il serait mort pas grand temps après. Je traduis n'importe comment ici. Il est mort pas trop longtemps après qu'on dit. La police a trouvé son corps enveloppé dans ses pyjamas, couché dans son lit et ensuite enveloppé dans une couverture. Hein? Donc, vu que la femme de Katō était décédée 6 ans auparavant, D'accord. Sa famille ramassait la pension de veuve de la part de Sogen Kato. Donc, c'était 9,5 millions de yens, 109 000 $ quand les deux parents étaient morts. Là, genre. Puis les enfants ramassaient les pensions puis disaient pas que... Bizarre. Dégueulasse, hein? Oh, ouais. Merde. Ouais. Le monde ferait n'importe quoi pour de l'argent. C'est tellement fou, là. Ça me fait capoter. Ça en est ridicule. Et on termine avec un dernier fait. Le 1er février 2011, les enfants de Chicago, en Illinois, ont eu leur première journée de congé à cause de la neige depuis 1999. Le blizzard qui a atteint les États-Unis était tellement intense que les professeurs, les étudiants et les gens, l'équipe dans le fond de l'école, n'étaient pas capables de se rendre jusque-là, jusqu'à l'école. Donc, 26 bâtisses scolaires de Chicago en Illinois étaient sans électricité le 1er février. Beaucoup de gens n'étaient même pas capables de trouver leur voiture. Bref, on dit que Chicago ne ferme pas souvent leurs écoles. Il y a souvent des tempêtes de neige, ça arrive fréquemment, mais ils ne ferment pas les écoles. Pourquoi, tu me demandes? Pourquoi? Parce que le district dessert 409 000 enfants et 86 % de ces enfants-là viennent de familles très pauvres. Donc, beaucoup de parents ont besoin que les écoles restent ouvertes pour que quelqu'un puisse s'occuper de leurs enfants pendant qu'ils sont au travail. Ils ont même dû garder l'école ouverte le 1er février, le jour où tout était fermé, dans le fond, que les enfants n'avaient pas à se pointer à l'école. Ils ont quand même gardé l'école ouverte pour que les étudiants qui se fiaient sur l'école pour leur donner à manger sur l'heure du midi. Ah, c'est pas drôle. Non, c'est vraiment pas drôle. Mais bref, première fois depuis 1999 que les écoles de Chicago étaient fermées. Voilà. C'est tout pour cet fait, François. Merci, Mathieu. C'était intéressant. Ben, merci. Oui, on a appris plein d'affaires. Merci aux internets aussi. Aux internets. Oui. C'est tellement pratique. Je les remercie personnellement, chacun d'entre eux. Imagines-tu si du jour au lendemain, là, on tomberait avec Internet fini, ouais, ne fonctionne plus. Annule-moi Assemblage requis pour ça. Non, mais les gens, en fait, leur habitude changerait complètement. Ouais. Ben, autant qu'elles ont changé quand Internet est arrivé. Ouais, oui, c'est sûr que mais ça s'est fait graduellement, tu sais, ouais, au fur et à mesure. Oh, un ordi dans ta famille. Bon, t'entends ça, achète un ordinateur. Puis là, tout le monde est rendu avec ça, mais du jour au lendemain, mettons, ça fonctionne plus, là. Ça doit être assez quelque chose. Ce sera la fin du monde. tout à l'heure, on va parler avec Simon Fitzbay. Ça, c'est dans quelques minutes pour sa chronique Phénomène. Il va nous parler des Rolling Stones. C'est la deuxième partie de son mois sur les Rolling Stones. Yes. On appelait ça le Feb Rolling Stones. Non, on n'avait pas vraiment trouvé de terme, je pense. Non. on va continuer de chercher. Mais pour l'instant, on écoute Camionnette. Voici leur extrait Camion au 89.1 FM. C'est fou. Tu me branches comme un ange.

part of town. But I go see her sometime. We make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble. You know what she said? She said, la pièce Fool to Cry, tirée de l'album Black and Blue des Rolling Stones de 1976, une pièce très très nostalgique. C'est tout pour ta chronique Phénomène pour cette semaine. On te retrouve jeudi prochain à 8h, oui. Oui. Jeudi prochain. Bon. Jeudi prochain. Jeudi prochain. Ça continue la Simon Fédidé, hein, qui continue sur l'heure du midi avec ta chronique dans le Dîner de con. Oui. Le scoot des internets. Vas-y donc, Matt. Quoi? Vas-y, vas-y. Est-ce que des internets? Oui, j'ai oublié. Et puis le soir, jeudi soir, c'est la saveur du moment. Oui. Ton émission personnelle et personnalisée. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a à l'émission ce soir? Ça va être plein de surprises. J'ai hâte d'entendre ça. Oui. Et on te retrouve aussi dans la chronique des éphémérides du rock à rock classique. Effectivement, chronique que j'adore. Oui, ben, une émission qu'on adore aussi. Oui. Vendredi matin à 11h. Tu vas rester avec nous, évidemment, pour la chronique de François Landry tantôt. Certainement. Hey, juste en finissant, je voulais dire, c'est ça, les Rolling Stones qui vont sortir un coffret qui va sortir en avril. Donc, ça va être un méga coffret de 173 chansons, dont 83 qui ne sont pas disponibles pour le moment. Donc, ça va être malade. Hein? Donc, en parlant des Rolling Stones, ça va être disponible en avril. Et ils l'ont annoncé sur leur site Internet. Donc, ça va couvrir les périodes des années 1971 à 2006. Donc, ça va être à surveiller. Ouais, je me demande si ça va être combien de CD. 173 chansons sur au moins... Bonne question. au moins 1000 CD. Pas bon, Matt, je suis un homme de 1000 CD! Ça va être à surveiller. On attendra la version Blu-ray de ça. Il y en rend plus. Ouais, c'est ça. Mais ça joue pas dans un lecteur de son. Dommage. Voilà, donc merci beaucoup, Simon. À tantôt. À tantôt. Nous, on revient après la pause à Assemblage requis avec François Landry, sa chronique Logocratie 101. Et de quoi auraient l'air les matchs des Patriotes? Ah oui, ben oui, ben si oui. C'était c'est nous qui les animions. Oh. Restez là. Un homme, Mathieu Plante. Sa mission, se frayer un chemin à travers la gigantesque discothèque de C'est Fou depuis ses débuts en 1997. À l'émission C'était Fou, une semaine précise est choisie dans l'histoire de la station. Vous entendrez quelques pièces des palmarès francophones et anglophones, ainsi que les positions numéro 1 du moment, pour accompagner un extrait d'une émission qui était en onde à l'époque. C'était Fou, C'est Fou, rembobiné. Tous les jeudis à 13h, en rappel les mardis à 9h. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Récollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15% sur les livres à prix régulier. Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement. Ta blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en. Les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclair.ca. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Ah, c'est fou dans vos oreilles. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François-Olivier, Mathieu Plante, Assemblage requis en pièces détachées. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis. Je vais prendre le temps d'accueillir Simon Fitzbay, de réaccueillir Simon Fitzbay. Bonjour. Et d'accueillir François Landry avec nous. Bonjour. Et François-Olivier qui est toujours là. Bonjour. Moi, c'est Mathieu Plante. Bonjour. Je vais vous apprendre peut-être une chose, les gars. Le match des Patriotes va être diffusé en direct sur les ondes de C'est Fou samedi. Samedi, oui, tout à fait, à partir de 14h. Après demain, ça. Oui. Match entre les Chouchous Bin puis. Puis les Patriotes, évidemment, match de hockey très important, diffusé sur nos ondes pour la toute première fois. Mais saviez-vous qu'avant de penser à Nicolas Ducharme et à l'inconduit de partie, qui, dans le fond, Nicolas Ducharme va animer le match, là. Ben, c'est fou à penser à nous autres. Parce que Mathieu Plante, on sait, il anime 95% des émissions assez fou. Donc, à un moment donné, une de plus, une de moins, c'est facile. Puis, on sait que François-Olivier, ben, il vient avec, hein, star. Et Mathieu Plante, un fin connaisseur de hockey. Écoute, c'est un Ron Strudel de C'est Fou. Oui, Toaster Strudel, exactement, aux cerises avec la petite crème dessus. Donc, on va écouter un extrait. On a retrouvé le pilote des matchs des Patriotes décrit par François-Olivier et moi. On écoute ça. Donc, François, le joueur, prend son bois 1 pour pousser le beignet. L'homme en zeb, là, il vient de crier quelque chose au gars avec le chandail blanc. Tu sais, le joueur, là, tu sais, le numéro, là, tu sais, là, le chiffre. Non. Tu trouves pas que les pubs sur les murs ne fêtent pas avec les couleurs de l'aréna? À part de ça, je me suis toujours demandé comment ils font pour mettre un logo en dessous, là, de ça, là, tu sais, là. L'eau, là, le tapis. En tout cas, donc, à quatrième manche, on se demande qui est le prochain au bâton, François? Écoute, Mathieu, c'est quand complet, les jeux sont faits, rien ne va plus. OK, donc là, François, je pense que c'est ça, là, ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on appelle un grand écart combiné d'un périlleux arrière et d'un triple axel. L'atterrissage était, ma foi, magnifique! Il vient d'accomplir une roulade avant groupée, là. Quelle grâce! Moi, je trouve pas que les Buffett, avec le logo de la squad adverse, ça fait très 2010. On sait qu'il jouait avec des patins à roulettes modifiés là, pour pas avoir de roulettes. Hein? Hey, le gars dans l'estrade, là, en avant de nous autres, il mange quelque chose qui a l'air bon. Là. Mais moi, j'aurais mis ça avec oignon chou. Là. Hey, Mathieu, la lumière derrière le but, là, c'est pour indiquer aux joueurs où scorer. On est rendu à deux du troisième set, neuvième manche du troisième set, en fait. On sait qu'il y a neuf manches en tout, donc là, c'est le troisième du, la neuvième manche du troisième set de la game, du match. Parti! Tout à fait, Mathieu. On voit que le joueur d'arrêt-court s'est emparé du ballon. Exactement, FO, puis il vient de pénétrer la zone de deux points. Donc, il aura droit, et oui, à son beauté de placement. Justement, pour analyser ce qui vient de se passer, on a parlé avec le juge du quart de ce soir, notre analyste du nom quelconque. Alors, considérant la dégradation des mœurs induites, il serait intéressant d'étudier toutes les solutions envisageables. En ce qui concerne l'impasse conjoncturelle de l'équipe, on doit d'imaginer l'ensemble des problématiques déjà en leur possession. C'est tangentiellement à une culture ascensionnelle, une ambition s'impose. L'équipe devra revitaliser avec les émergences rentables. C'était descriptif et parfaitement compréhensible. Retournons à notre programmation habituelle, c'est-à-dire, bien évidemment, la sécheuse. Ah, ça aurait pu être comme ça. On va remercier Chose là en haut là, d'avoir envoyé Nicolas Ducharme de l'inconduit de partie pour animer. En haut étant le chef de ces fous, là. Le directeur général d'avoir engagé Nicolas. Ça aurait été encore pire, je pense, si moi j'aurais animé. Ah ouais? Il aurait fallu que je compare tous les joueurs sur la glace à un musicien. Ça. Ah ouais? Voilà, Mick Jagger qui fait une passe à John Lennon. John Bon Jovi qui est le père de la gang. Pis, dans le genre, ouais. Ouais. Donc, écoutez le match des Patriotes présenté ici même sur les ondes de C'est Fou, c'est samedi. Samedi, à 14h. Sur les ondes de C'est Fou, à 14h. Ce samedi, sur C'est Fou, 14h. C'est Fou, samedi. Hein? Samedi. Peut-être c'est le petit piton reset. Là. Je pense qu'il est bloqué. Donc, on va accueillir notre ami François Landry maintenant pour parler de politique. Voici Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Guerre royale. Gang sister. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Ça va? Oui, très bien toi-même. Oui, ben aujourd'hui notre thème me fait dire crime fail. Ouais. Parce que moi sur internet c'est ça que je dis tout le temps. Fail, win, ouais. What the fuck. Ben je pense à toi pour mieux comprendre la politique. Fait que je dis Mathieu va comprendre le mot fail, il va comprendre la politique de cette semaine. Il me faut des mots comme ça. Ouais. On parle de la rentrée à Québec. Ouais. Fail. Fail. Faisons ça, tu sais, sur Facebook, on peut faire highlight ouais. Ou... poké du monde. Poké. Puis sur Internet, de plus en plus, on dit fail, c'est rendu des sites Internet qui se consacrent juste au fail de la bêtise humaine. Fail QC, fail blog, etc. Ouais, ça, c'est drôle. Mais, oui. Ouais. Mais justement, c'est pour illustrer, mettre en toute transparence la bêtise humaine. Mm. Et cette semaine, la rentrée parlementaire à Québec, c'était vraiment composée de petits chefs-d'œuvre de bêtises humaines. OK? Premièrement, rassurez-moi, je m'appelle pas Jean Charest, OK? Non. OK, parfait, merci, parce que j'aimerais pas être dans sa peau ces temps-ci. Lui... dans sa laine. Dans... oui. Il est où? Il a recommencé la session parlementaire mardi. Donc, il était tout souriant dans les corridors. Il s'est dit, ça va être une belle session avec des bons échanges, des bons dossiers. Pan, tout. Dès la première question, on a vu que entre la pause du mois de décembre et janvier, il y avait comme eu pas de pause. Le même discours a recommencé. C'est tout comme si, et Serge Chapleau l'a très bien illustré dans la presse mercredi matin, pour résumer la rentrée parlementaire, on voyait Jean Charest et Pauline Marois avec leur scénario de la session en disant « Ah oui, où est-ce qu'on était rendu donc? Ah oui, ici. » Donc, c'était vraiment, il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de vacances. On a recommencé avec les mêmes bitcheries, les mêmes discours arrogants, baveux, hautains, caricatural, quoi. Ouais, hein, c'est une pâle image de l'année passée. C'est une pâle image, oui. Mais c'est où Jean Charest est devenu extrêmement cynique. On dirait qu'il n'y a plus d'entrain tant que ça. Ça veut dire qu'il prépare sa sortie. Ouais, hein, il prépare sa sortie. C'est une question de temps, sinon de jours. Pourquoi j'ai dit de jours? Parce que... Il me semble que ça fait longtemps que tu dis ça, par exemple, François. Il prépare sa sortie. Ouais, ben, avec Jean Charest, c'est comme assez. Hein? C'est long. C'est long. Rien bouge au Québec sous la gouverne de Jean Charest. Donc, oui, ça fait longtemps que je dis ça, mais cette semaine, on a eu d'autres preuves comme quoi il est tanné, il veut passer à autre chose. Et la rentrée parlementaire mardi pourrait très bien être une répétition générale pour la rentrée officielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que M. Charest va proroger la session. Oh! Oh, hein? Le mot-clé de la session dernière. Oui. Il va proroger. Donc, il va terminer la session qui est en cours. C'est la suite de la dernière session. Dans deux semaines, il pourrait la proroger pour avoir quelques semaines de vacances pour reprendre avec un discours inaugural juste vers la fin mars. Qui pourrait être donné par Nathalie Normandeau? Probablement. Ça, on ne sait pas encore, mais les astres s'alignent comme quoi tu aurais raison, Simon. Mais pourquoi il veut faire ça et comment on l'a su qu'il voulait faire ça? D'où le deuxième fail étant la rentrée manquée. Le deuxième fail, c'est que c'est ni Jean Charest, ni les journalistes qui ont dit qu'il va proroger. C'est un Français de France. En France. Hein? Ouais, l'ancien ministre Jean-Pierre Raffarin. J'ai entendu ça. Ouais. Qui avait l'agenda et puis... Qui est un grand chum de Jean Charest. Celui qui avait demandé s'il y avait la à terre, c'est ça? Oui. Oh, okay. La quoi, donc? On va le dire, la plotte à terre. Oh, en France, c'est avoir la gueule de monter. Là. Ah, c'est une expression connue. Oui, oui, ouais, c'est vraiment... En France, on dit ça. Au Québec, c'est péjoratif. T'as la plotte à terre parce que tu dois reporter tes gosses. Mettons. T'as très bien résumé. Disons, là. Donc, le même Raffarin qui, sur son blog, a dit qu'il y aurait un discours inaugural à la fin mars à Québec. Mais qui dit discours inaugural dit nouvelle session parlementaire. Qui dit nouvelle session, faut abroger celle qu'on est en cours présentement. Oui, interrompre. Voilà, et effectivement. Mais qu'est-ce que ça veut dire proroger? Ça veut dire, oui, suspendre les travaux parlementaires, mais ça veut aussi dire tous les projets de loi qui sont à l'étude tombent caducs. Il va falloir recommencer. Donc, si un député se battait depuis des années pour faire adopter une nouvelle loi, elle vient d'être tombée... Du jour au lendemain? Du jour au lendemain, bang! On recommence à zéro. Donc, on fait table rase. On recommence. À moins que ça soit rendu en deuxième lecture. Là, ça veut dire que le projet de loi change de nom. Ça devient vraiment un dossier parlementaire, donc qui se doit de continuer. Mais un projet de loi, un nouveau projet de loi qui, en première lecture, donc juste le brouillon d'une loi, va tomber dans l'oubli. Donc, c'est à recommencer. Donc, ça, c'était le deuxième fail. Le troisième, c'est en rentrant à la mardi, il y a eu une grève. On a entendu parler, les procureurs de la Couronne sont en grève. C'est la première fois dans l'histoire du Québec que des avocats membres du gouvernement du Québec tombent en grève. Et ça, on va dire, oh, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Non, non, non, non. Quand vous regardez l'Assemblée nationale, vous avez à droite et à gauche des partis politiques et en plein centre, des personnes qui sont là qui prennent les procès-verbaux. Ce sont des avocats syndiqués en grève. Mais... Il y a eu une entente avec le syndicat pour dire est-ce qu'on peut conserver les avocats minimales pour avoir un fonctionnement minimum au Québec. Le syndicat dit oui. Mais est-ce que ça serait pas une raison de plus pour proroger la session si on s'entend pas avec eux? 1+1=2, Simon. Ah. Parce que ça, ils demandent un rattrapage salarial de 40% par rapport au reste du Canada. Donc, nous, au Québec, on se dit toujours qu'il faut se comparer au Canada dans tout, mais on paye pas nos avocats qui défendent la couronne. T'sais, c'est un terme juridique pour dire que quand tu commets un meurtre, c'est pas le gars qui est mort qui traîne en cour, c'est la couronne, parce que t'as enfreint une loi, donc c'est la loi qui te traîne en cour. Donc, c'est la couronne, qui est la couronne, la reine Élisabeth. Oh, oui, la royale. On s'entend là-dessus. Ouais. Donc, c'est eux qui sont en grève, et eux, ce sont des fonctionnaires, des avocats fonctionnaires au service de l'État, qui se mettent en grève pour avoir un rattrapage salarial de 40% et avoir 100 avocats de plus au Québec. Parce qu'ils disent présentement, on est débordé, on remet nos dossiers à des secrétaires et non pas à des avocats ou des adjoints avocats. Donc, les secrétaires qui, elles ou eux, sont débordés de par leurs travaux quotidiens, doivent en plus traiter les dossiers juridiques. Est-ce qu'ils ont ou elles ont la compétence juridique pour compléter un dossier? J'ose espérer que oui, mais ils n'ont pas la formation académique pour ça et surtout pas la licence de droit pour ça. Donc, il y a un problème au niveau juridique au Québec. Et là, tous les voyous, appelons-le de même, qui ont transgressé la loi au Québec, sont en attente d'un procès. Et au Québec, on sait qu'on est innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est ça, ceux qui sont pas emprisonnés... Ceux qui sont en attente de procès vont attendre encore plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que plus le temps passe, plus le dossier, l'appel de dossier de l'avocat qui défend le fautif s'accumule. Donc, il pourrait y avoir un retardement. Les autres sont morts d'arrêt. Hein? Ils font du cash. Ouais. Ils font du cash, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu à l'Assemblée nationale? Il y a eu la première pétition qui a été déposée, 128 000 noms de signer pour avoir un moratoire sur les gaz de schiste. Mm-hmm. Et ça, c'est une alliance Québec solidaire et Parti québécois qui ont déposé ça. Donc, 128 000 signataires, c'est énorme, qui ont demandé un moratoire sur les gaz de schiste. Et là, Jean Charest, tout de suite, s'est braqué en disant « Non, non, on va attendre le dépôt du rapport du BAC, du BAP, le Bureau d'audience publique en environnement, pour le 28 février. Mais s'il y a prorogation... » Là, Lucien Bouchard aussi s'est mis de la partie. Oui, faut le rappeler, il va être payé par Talisman Canada. C'est eux qui veulent faire le forage, entre autres, ici à Bécancour. Donc, Lucien Bouchard, c'est pas un sauveur, c'est un lobbyiste au service des gazières, des compagnies gazières. Donc, c'est pas lui qui va venir régler la donne. Il va aller négocier avec Jean Charest pour dire on veut une industrie gazière au Québec. Mais c'est bizarre, ça. Comment tu vois ça, toi, avec ton œil, mettons? Lucien Bouchard, c'est un ancien homme public. Maintenant, c'est un gars qui œuvre dans un cabinet privé d'avocats. Donc, ils font appel à lui parce que c'était, premièrement, un grand ami de André Caillé, l'ancien lobbyiste. Et là, la firme d'avocats s'est dit « André Caillé s'est planté, on va aller voir celui qui a le plus de notoriété au Québec. » C'est Lucien Bouchard. Devant toute autre personne, devant même Jean Charest, c'est Lucien Bouchard qui a la plus grande notoriété au Québec. Donc, on dit « On va aller se le payer, puis on va l'avoir, notre industrie gazière. » Mais c'est un lobbyiste au service de la pétrolière. Ce n'est pas un médiateur comme plusieurs l'ont cru quand il s'est fait nommer. C'est un lobbyiste dûment payé par Talisman pour imposer le droit à l'exploitation gazière au Québec. Moi, je trouve ça très bizarre qu'il ait accepté, mais... Du cash, il y a du cash. Ben c'est ça, ça doit être faramineux. Disons que ses vacances sont payées à Cancun. Hein? Ouais, puis plus qu'une fois. Plus chaque année pour le reste de sa vie. Il doit avoir une maison là-bas, il doit avoir une île à lui. Donc, première chose de fait, donc Jean Charest va attendre le 28 février pour ça, mais s'il y a prorogation, il n'y aura pas de débat sur le rapport. On voit le... C'est le fun, ça. On voit tout ça. Ensuite, si on se souvient bien, la fameuse pétition contre Jean Charest, hein? C'est la semaine prochaine qu'elle tombe à échéance, donc c'est la semaine prochaine qu'elle sera déposée à l'Assemblée nationale. Au dernier décompte, on était à plus de 200 000 signataires. Ouais, mais c'est symbolique. Ça. C'est très symbolique, mais dans les médias, ça va faire la une de tous les journaux. Hein? On s'entend là-dessus. Donc, Jean Charest va être talonné encore par les médias pendant une couple de jours là-dessus. Mais en même temps, ce genre de nouvelles-là, ça obscurcit peut-être des nouvelles plus importantes parce que là, c'est 200 000 personnes qui ont signé. Pourquoi il pourrait faire ça. Il pourrait proroger la session pendant ce débat-là. Ouais, donc, c'est il ça, va. Personne ne va parler de la prorogation puis des côtés négatifs d'une prorogation. On va juste parler qu'on veut la tête de Jean Charest. Ça, c'est clair. Donc, stratégie politique de Jean Charest très forte ici. Ensuite, autre fail, mais cette fois-ci, je l'accorde au Parti québécois. Nicolas Marceau, tu sais, porte-parole en matière de finances. C'est un jeune novice. C'est un gars qui est bien populaire chez eux, qui s'est fait aller au PQ, puis vu qu'un Dr. Roux a une maîtrise en économie, on va te nommer à l'opposition pour remplacer François Legault. C'est quelque chose qui arrive souvent, ça, dans le PQ, genre des jeunes premiers qui sont bien fans. Des affairistes. Fans chez eux. Ouais, des affairistes. Et Nicolas Marceau, dans toute sa bonne volonté de débattre, puis vraiment de knocker Jean Charest. Mais Jean Charest, on peut pas le knocker en chambre, parce que c'est une bête, OK? C'est une bête. Dans le sens très positif du terme, Nicolas Marceau a accusé Jean Charest de n'avoir créé que 92 000 emplois sur les 100 000 qu'il avait promis. Donc, il dit « C'est votre faute qu'il y a seulement 92 000 emplois de créer. » Et Jean Charest s'est levé, choqué noir, il dit « Je plaide coupable, je n'ai, moi, que créé 92 000 emplois. » Donc, on a vu que ça s'est reviré contre... C'est une bête. C'est une bête. Il a reviré ça à son avantage et Nicolas Marceau a été silencieux. Le point de presse qu'il a dû faire a été annulé à la suite de ça. Dire aux gens d'écouter peut-être les débats de l'Assemblée nationale là, dans les prochains jours, c'est peut-être les dernières fois justement qu'on va voir Jean Charest. Puis ça vaut la peine quand même. Écoute, qu'on l'aime, j'adore Jean Charest, pas pour ses idées, mais pour l'homme politique qu'il est. C'est très une inspiration. Il est bon, puis il a la réponse toujours, là, coup pour coup, puis il est très très comique également dans ses réponses. Ouais, il devrait aller dans la ligue d'improvisation. Il serait très fort, c'est très fort. autre fail aussi. Sauf que ça, c'est pas mal plus délicat. Puis là, c'est contre le Parti québécois, encore une fois, que là, c'est à la limite dégueulasse. OK? On s'entend ici. Il y a eu une petite brouille, il y a quelques temps, avec une circonscription dans le coin de Montréal, en dehors de l'île de Montréal, où l'attaché politique d'un député aurait fraudé les électeurs pour 10 000 $. Donc, il aurait, avec son nom, sa carte d'affaires, dit « Prêtez-moi de l'argent, je vais faire des placements. » C'est un genre de Madoff de Vincent Lacroix de lui-même, mais pour 10 000 $. Donc, un amateur. Mais il a quand même fraudé pour 10 000 $. Et là, le PQ a tenté d'étouffer l'affaire. Ben oui, c'est ça. Ils ont pas voulu faire de débat là-dessus, parce qu'on dit, là, c'est Jean Charest qui est dans les cordes, faut pas se faire virer de bord là-dessus. Mais là, même le député a sorti ça sur la place publique. Donc, il a dit, je comprends pas pourquoi le Parti québécois veut pas faire le ménage là-dedans, c'est mon ancien attaché politique, moi je l'ai viré, le PQ veut étouffer l'affaire. Donc, petite chicane interne. Mais là, c'est pas grave jusqu'à maintenant. Donc, les instances vont s'en mêler. Mais là, Jean Charest a saisi la balle au bon, a accusé le PQ aussi de corruption et de patati patata. Et là, tout de suite, le PQ, en bon réactionnaire qu'ils sont, ont fait non pas un communiqué de presse pour dire « on s'en occupe, c'est une problématique interne ». Non, non, non. À place de mettre la faute sur eux ou de reconnaître leur tort, ils ont mis la faute sur l'état de santé mentale du député en question. Donc, leur propre député, il a dit « c'est un homme suicidaire ». Qui prend des pilules présentement parce qu'il est pas paranoïaque, mais dépressif. Donc, lâchez-le. Mais à quoi qu'il pense, les autres? Des seuls. J'aimerais le savoir. j'aimerais le savoir. Mais là, les journalistes ont trouvé ça vraiment bas, cheap shot, comme on pourrait dire entre nous. On dit jamais ça. On pourrait dire le député se retire pour des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles, tout simplement, ou épuisement professionnel, on peut le dire. Un burn-out, c'est plus caché aujourd'hui. Ils peuvent le faire. Mais non, son état de santé, puis c'est un suicidaire. Mais non, c'est une accusation, selon moi, grave. Donc, c'est vraiment un cheap shot de la part de Nicolas Girard. Pas Girard, excusez-moi, c'est Bédard. Bédard, le leader de l'opposition, qui a dit ça. Donc, c'est juste une semaine de gros fail. Ouais. Ça va être à suivre. Le budget du Québec s'en vient mi-mars. Donc, on verra ce que ça va donner, mais j'ai pas grand espoir, honnêtement, pour... Mais on disait qu'avec les procureurs, les juristes qui sont dehors, le budget pourrait être reporté, puisque ça prend des juristes pour vérifier si tout est beau. T'as tout compris, Simon, t'as tout compris. C'est présentement, il y a une grosse patate chaude au Québec, ça s'appelle la grève des procureurs de la Couronne, et Jean Charest ne peut pas rien faire, sauf une affaire. Ça sent la loi spéciale. Ça sent la loi spéciale, effectivement. Donc, il pourrait obliger les procureurs à revenir travailler avec des conditions de travail améliorées, mais au minimum, avec promesse de bonification dans un temps futur. Quand il sera plus fort. T'as tout compris. Vous êtes fort un matin. Donc oui, effectivement, c'est ce qui se dessine pour la période. Et le dernier fail, ça s'est passé hier, juste un petit clin d'œil de même. Le kirpan à l'Assemblée nationale. Ouais. On en a entendu parler au mois de décembre parce qu'un groupe religieux qui porte le kirpan a voulu visiter l'Assemblée nationale et la sécurité a dit non, c'est un couteau, ça rentre pas ici. Non, c'est un droit religieux qui a été acquis par les lois du Québec. Donc il y a eu un débat hier. 2 heures de débat, OK? Jusque-là, ça va bien. 2 heures de débat en tous les partis, mais ça a été adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu un débat sur ce que tout le monde s'entend aujourd'hui. Sur n'importe quoi. Puis le pire, là, c'est qu'un an, jour pour jour, avant ce problème-là, il y avait eu un prêtre qui était allé, un prêtre sikh, donc, qui était allé dans l'Assemblée nationale avec son kirpan. Il n'y a eu aucun problème avec ça. Oui. Il s'est fait arrêter aussi à la sécurité. Il a dit, moi, je rentre pas, je ne l'ai pas. Il a dit, c'est correct, passé. Le kirpan, ça coupe même pas. C'est vraiment symbolique. C'est un symbole. C'est un crucifix. C'est ça, comme un chapelet. Puis on n'enlève pas le crucifix à l'Assemblée nationale. Ben c'est ça que je trouve un bonheur. Soyons conséquents. Donc, un gros fail pour le gouvernement du Québec cette semaine. Ouais. Et fier de le donner. Mais par contre, ta chronique, elle, était un win. Yeah! François Landry for the win, FTW. Pour demeurer dans la thématique, I like. Oh! Va te poker ça, toi, tu vas voir. François Landry, on te retrouve jeudi prochain à 8h30 pour une autre chronique Logocratie 101. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Merci, François Landry. Merci. On va écouter du Valès Parietta, François, avant de se quitter. Merveilleux. Voici Archipel. OK? Like? Est-ce que tu like? Like it. Sur les ondes de ça. Like it like that? Like it like that. Like it like that. Bon bouton. Archipel de Valles Pariétaire à Assemblage Requis, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui et pour la semaine. Déjà. On va commencer en remerciant les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Simon Fitzbé, merci beaucoup. Bonjour. Merci à François Landry. Bonjour, Barbe. Je sais pas comment limiter. Bonjour, Barbe. Merci à Danny Janvier pour la production de notre beau petit sketch. Oui. Premier d'une série de J'imagine au moins un autre. Oui. J'attends qu'on se tanne. Parce qu'on n'est pas très bon pour écrire des sketchs. C'est comme nos pubs, c'est de la merde. Voyons donc. Je finis jamais mes mots quand je dis mon level. Ah, oh, mais c'est ça qu'il faut. Hey, merci à Maxime Lemieux-Laramé. Oui, merci. Qui a participé à l'émission d'hier. Les autres chroniqueurs Stéphanie de la semaine. Gagné. Oui, Émilie Gauthier. Émilie Gauthier. Audrey Tremblay. Audrey Tremblay, tout à fait. Qui d'autre? Pas mal ça, hein, finalement. Merci à Mathieu Plante. Merci à toi, François-Olivier Marchand. Merci à Vanessa Parietard pour la composition des thèmes et de la chanson thème et des fonds et de tout ce qui va avec, finalement. Je voudrais dire merci à Simon Fitzbé. Encore. Ouais, j'aimerais vous dire au revoir, je m'en vais à Memphis chercher mon ordinateur. Ah, c'est vrai, Memphis. Cours, Memphis, ça s'en vient. Non, c'est arrivé de Shanghai, puis ça s'en vient vite ici, hein? Oui. Ton beau petit machin. Mon beau petit machin. C'est ça. Petit machin de 11 pouces. 11 pouces. 11 pouces. Mais pas 5$. Non. C'est plus cher que ça. C'est ça. Coûte cher 10 pouces carrés. Oui. Et cube aussi. Cube, ouais. Restez à l'écoute pour l'émission Tour d'Afrique avec RHL qui s'en vient dans quelques minutes à peine. Ça s'en vient à 9h07 et 32 secondes, 18 secondes. T'es donc bien précis. Merci beaucoup. Ensuite, ça va être Connaître ensemble, l'émission sur la périnatalité, ça commence à 10h. Ensuite, c'est le Dîner de con à 11h avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. À 13h, moi, je vais être de retour avec C'était fou, l'émission qui rembobine C'est fou. Hein? Mm-hmm. À 14h, je vais animer les palmarès C'est fou avec Stéphanie Gagné. Puis, elle va rester avec vous pour une PMH en émission et votre soirée continuera avec La Spirale, Sky Panka et Simon avec La Saveur du Moment. Pas Sky Panka. Pas Sky Panka ce soir? Pas ce soir. On sait jamais quand il y a une émission ou pas. Hein? C'est... Mm. Mais bref, La Sécheuse, donc. Hein? Ouais. Et La Saveur du Moment à 21h. Exact. Bon. Voilà. Fait que passe une belle fin de semaine, les gars. Ben, merci toi aussi, Mathieu. Enfin, repose-toi un peu. Ben ouais, ben je vais essayer. Essaye. Le rhume, il se calme. Ouais. Est-ce que t'as eu un rhume cette année? Non, pas encore. J'étais chanceux. François? Moi, pendant le temps des fêtes. Ah, ben une chance. Pendant le temps des fêtes. Ça a juste gaspillé ton congé. Ouais. C'est pas grave, nous, on n'a pas eu à souffrir. L'as-tu donné à toute ta famille? Non, je l'ai donné à ma copine, par exemple, mais elle s'en est bien sortie. Ah, c'était parfait, comme moi, là. Mais, tu sais, c'était pas une grippe d'homme là, que j'ai. Oh! Mais bon. Ouais, on va y aller sur ça. Merci beaucoup, les gars. À lundi. Salut. Bye. Merci. Bye, Simon. Bye, Rachel. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.